Chapitre 9. Je saute jusqu'au mois d'octobre. On avait encore des pommes à rentrer, il faisait déjà froid. Un matin, je dis à Louise, « Écoute, je crains bien qu'il ne se mette à geler cette nuit. Je m'arrangerai pour être de retour de bonne heure. Si tu veux, on ira les cueillir. » J'apportai l'échelle au pied du pommier, et y étant monté, me tenant dans la fourche, les jambes écartées, je détachai une à une des branches les belles pommes rouges. Je les lui lançai dans son tablier. Bientôt la corbeille fut pleine, c'était une grande corbeille à lessive. Je redescends de l'arbre, nous empoignons chacun la corbeille par un bout, nous nous mettons en route pour la cave. Je marchais devant, la corbeille était lourde, à chaque pas l'osier pliait avec un petit grincement, mais enfin nous n'avions pas un bien long chemin à faire. Tout à coup, il me semble entendre un soupir, au même moment la corbeille penche, le poids se porte de mon côté. Et tandis que les pommes se mettent à rouler autour de moi dans le gazon, voilà qu'on lâche l'autre poignée. Je me retourne, je vois Louise toute pâle, la bouche ouverte, qui appuyait ses deux mains sur sa poitrine comme si elle allait étouffer. J'eus juste le temps d'accourir. « Louise, Louise, qu'est-ce que tu as ?» Elle fit un effort. Ses lèvres étaient toutes blanches. « Je ne sais pas. La tête me tourne. » Sur quoi ses yeux se renversèrent, elle faillit tomber. Je dus la prendre dans mes bras, et s'est chargée de ce nouveau fardeau que je gagnais la maison. Je l'étendis sur son lit, j'allais tremper une serviette dans de l'eau, je lui lavais les tempes et le front. Je l'avais à moitié déshabillée, j'avais ouvert la fenêtre toute grande. Peut-être qu'il fallait du vinaigre, j'apportais aussi du vinaigre. Et me penchant sur elle, « Louise, disais-je, Louise, est-ce que tu me vois? Je suis là. » À la fin, elle soupira. Quelque chose sembla se détendre parmi ses muscles, sous sa peau. Ses mains d'abord bougèrent, puis les coins de sa bouche, puis les plis autour de ses yeux. « Est-ce toi, Samuel ?»« Bien sûr, Louise, que c'est moi. »« Ce n'est rien, » dit-elle. Je pensais qu'il ne s'agissait que d'un malaise, comme en ont souvent les femmes. Mais elle eut soif et me demanda un verre d'eau. Je descendis à la cuisine. J'étais justement en train de plonger le puisoir dans le seau quand Henri parut sur le pas de la porte. On l'avait envoyé faire une commission en ville, il avait un paquet à la main. La première chose qu'il me dit fut « Où est-ce qu'elle est, maman ?» Je lui fis signe de ne pas faire de bruit, et m'approchant de lui, « Pose ton paquet sur la table, puis va t'amuser un moment dehors. Ta mère n'est pas bien. » Il me regardait comme si je lui avais volé. Tout à coup, il baissa la tête avec une drôle de moue. Je crus qu'il allait se mettre à pleurer. Il avait plus de 14 ans. Il me semblait que c'était le moment pour lui de devenir raisonnable. « Henri, as-tu entendu ce que je t'ai dit ? Maman n'est pas bien. Je suis en train de la soigner. Tu me gênerais en restant là. Je te promets que dès qu'elle ira mieux, je t'appellerai. » Je me heurtais à un mur. Alors tout le mauvais du temps passé revint en moi. Malgré les résolutions prises, je haussai la voix, et sans songer que Louise pouvait m'entendre, « Je veux que tu m'obéisses, tu entends ?» Il n'avait toujours pas l'air de comprendre, et moi, dans mon emportement, « Obéiras-tu, oui ou non ?» Mais il s'était redressé. « Non » cria-t-il. « Je n'ai pas besoin de t'obéir parce que tu n'es pas mon vrai papa. » Il se tenait à l'entrée de la cuisine, sa voix résonna dans l'escalier. J'avais laissé la porte de notre chambre ouverte. Brusquement, le souvenir m'en revint, c'était trop tard. Un grand cri se fit entendre. Il me traversa tout le corps, du sommet de la tête à la plante des pieds. Je monte 4 à 4 les marches. Elle était assise sur son lit. Elle tenait des deux mains un mouchoir devant sa bouche. Les parties blanches de la toile ressortaient bizarrement à cause d'autres parties plus sombres. 3 petites gouttes étaient tombées sur la couverture de laine. Une 4e tomba. Je voulus me crier « Tu l'as tué !» Mais mon cri se retourna en moi en sorte qu'il ne sortit pas, et la pointe m'en fit mal. Tout ce qui me resta fut une pauvre petite voix tremblante, avec quoi je la suppliais. Mais elle ne pouvait pas répondre, les vomissements de sang continuaient. Cependant, je courais éperdu dans la chambre, ne trouvant pas de linge ni rien de ce qu'il fallait, tellement mes mains étaient attonnantes. Je revins près d'elle. Elle était retombée en arrière. Je voyais sa figure dans un reste de jour. On aurait dit une figure en porcelaine. Ses yeux brillaient étrangement, fixés au plafond. À mesure que le jour s'en allait, Son visage se confondait davantage avec la blancheur des oreillers. Il n'eut plus bientôt de contours, les traits eux-mêmes disparurent, seuls ses yeux brillaient toujours. Je me tenais à son chevet, je n'osais point bouger, je n'osais point parler. Elle respirait à peine. Il y eut une cloche qui sonna. Il n'y eut plus de cloche. Il fit tout à fait nuit. Je ne sais trop combien de temps passa encore, mais soudain j'entendis le frôlement de sa main sur le drap, et je me rendis compte que sa main me cherchait. Moi, je tendis la mienne, et nos deux mains se rencontrèrent. Il n'y eut rien d'autre d'abord. Était-ce une espèce de pardon qu'elle m'accordait, ou bien, dans son humilité, était-ce une façon de me demander pardon qu'elle avait? Je ne pouvais pas le savoir. Je n'osais toujours rien dire. Ce fut elle qui parla la première. Elle n'avait plus qu'un filet de voix. Comme quand le vent est tombé, une faible haleine reste seule, qui agite tout juste le bout des feuilles. Ainsi sa voix entrecoupée, laquelle vint, et elle dit « Samuel, veux-tu me faire un grand plaisir? Eh bien, va me chercher le petit. » Je courus à la cuisine, je n'y trouvai pas Henri, tout était dans l'obscurité. Aucune lampe n'avait été allumée, et le fourneau s'était peu à peu éteint, pendant qu'un reste d'eau sur les cendres encore chaudes chantait dans le coquemar. J'allai voir dans tous les recoins, personne, j'appelais, toujours personne, je passais de chambre en chambre, ce fut inutilement. Et songeant que là-haut Louise attendait, un affolement m'avait pris, je ne savais plus ce que je faisais. C'est ainsi que je fus tout un grand moment sans m'apercevoir que la porte d'entrée était ouverte. Je sortis dans le jardin, il y avait dans un coin la remise aux outils. J'y avais installé le clapier. Je compris que c'était là que j'aurais dû chercher d'abord. J'y trouvai en effet le petit couché sur un tas de paille, tout près de la porte, dans l'angle. Replié sur lui-même, les genoux aux épaules, la tête dans les mains, il paraissait dormir. Je l'appelai, il ne fit pas un geste. Je dus me baisser et le secouer. « Henri, Henri !» Mais tandis que je tentais d'écarter ses mains, lui, nerveusement, les rapprochait, au contraire. Tout à coup, il se mit à sangloter. Et ses sanglots n'étaient plus ceux d'un enfant, comment dire. Tout à coup, j'eus conscience du temps qui s'était écoulé. Je sentis que sa vie était en dehors de la mienne, qu'elle allait se continuer parallèlement à la mienne, et que sa volonté échappait à ma volonté. « Henri, dis-je, j'ai eu tort. Je n'avais pas le droit de t'empêcher d'aller voir ta mère. » Mais tu vois que je suis venu. J'avais changé sans m'en douter de ton. Je suis venu te chercher de sa part. Elle t'appelle. J'ajoutais, elle va mieux. Je repris, mais elle est encore très faible. Il te faudra faire doucement. Il s'était levé, il secoua la tête, et sans me donner le temps de terminer ma phrase, il partit en courant. Pour moi, je m'étais mis à faire le ménage. C'était un besoin de me rendre utile qui m'était venu. Je commençai par allumer la lampe, puis je remis du bois au feu. Ayant rempli le coquemar, je moulus le café, le moulin entre les genoux. J'allai prendre sur son rayon la cafetière. Le feu ronflait maintenant. Il y avait du tilleul dans un cornet. Je fis du thé de tilleul pendant que le café s'égouttait. Elle était toujours couchée dans l'attitude où je l'avais laissée, la figure un peu de côté, les mains à plat sur le drap. Henri était assis près d'elle. Il ne parlait pas. En m'entendant entrer, elle me dit « C'est toi, Samuel ?» Je lui dis « C'est moi, je t'apporte un peu de tilleul. J'ai pensé que c'est ce qui te ferait le plus de bien. »« Oh, merci, » dit-elle. Mais elle ne pouvait pas parler longtemps, et entre chaque bout de phrase, elle était obligée de s'arrêter. « Pose seulement la tasse sur la table de nuit. « Henri, » reprit-elle, « aide papa. »« Ne parle pas, » lui dis-je, « ça te fait du mal. » Elle n'en continua pas moins. « J'ai entendu que tu avais préparé le souper. Je t'en remercie beaucoup. J'aurais pu le faire moi-même. Il ne manquerait plus que ça. »« Eh bien, » dit-elle, « sais-tu si vous veniez souper ici? Comme ça, on serait ensemble. » Ce fut ainsi que la chose finit. De nouveau, il semblait que rien ne se fût passé. Les vrais changements dans la vie ne sont pas toujours ceux qu'on remarque le plus. Chapitre 10. Dès le lendemain, d'ailleurs, elle voulut se lever. Je dus l'en empêcher de force. J'avais envoyé chercher le docteur. Il arriva dans la matinée. La consultation fut longue. Il ausculta minutieusement la malade, prit sa température, lui tâta le pouls, sortit son carnet, y nota des choses. Quand il eut fini, il me fit signe de le suivre, et nous descendîmes au jardin. Il parlait bas, nous nous étions arrêtés devant la grille, on se tenait en face l'un de l'autre, et pendant ce temps il parlait. Il me dit « Qu'est-ce qui s'est passé au juste ?» Je racontai l'histoire des pommes et que la corbeille était lourde, elle est devenue toute pâle, et le souffle lui a manqué. « Est-ce tout ?» Ensuite, j'hésitais. Ensuite, je ne sais pas bien. Il y a que le petit est arrivé, il a voulu voir sa mère. Je ne le lui ai pas permis. Peut-être a-t-elle eu du chagrin. Toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à cracher rouge. « Pas avant ?» Je dis, « Pas avant. »« Voyez-vous ?» Il me regardait fixement. « Dans l'état où elle est, il faut lui épargner toute espèce de contrariété. C'est le moral avant tout qui importe. Parce que, continua-t-il, je tenais mes yeux tournés vers le lac, il était blanc sous le ciel d'automne, d'où tombait une fine, mince brume, pareille à une poudre d'argent. C'est grave, c'est même très grave. Je vis soudain le lac noircir. Au lieu de cette poudre d'argent, il y eut comme de la suie sur le monde. Il se fit sous mes paupières une espèce de picotement, tandis qu'avec un mouvement d'épaule, je faisais effort pour avaler quelque chose que j'avais dans le cou et qui ne voulait pas passer. Voyons, monsieur Belay, du courage. J'ai été au pis, bien entendu. Ce n'est pas désespéré. Et puis, dites-vous bien que tout le monde se trompe. Mais ne l'oubliez pas, il faut beaucoup de soins. Il s'en allait déjà, m'ayant serré la main. Je le regardais s'éloigner avec colère, mais ma colère ne dura pas. Je songeais que j'allais devoir retourner auprès de Louise. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise à elle quand elle m'interrogerait ? Je sentais un pli qui s'était creusé entre mes deux yeux. Je passais le doigt dessus pour l'effacer. Il me semblait que j'étais pâle. Je me frottais les joues de la main pour leur redonner des couleurs. Je me disais « Tâche d'avoir l'air content ». Sans bouger de ma place, je me mis à sourire. C'était un essai que je faisais. Dans la plate-bande à mes pieds, des chrysanthèmes que j'avais plantées commençaient à ouvrir leurs boutons encore verts. Par les fentes des enveloppes, on pouvait distinguer leurs couleurs de plus tard. Il y en avait des grenats et des jaunes. Je me disais, il n'y aura qu'à plisser la lèvre d'en haut et la retrousser comme pour mordre dans du pain. Et puis, tu auras l'air d'avoir quelque chose de pressant à faire. Il te faudra aussi d'avoir bien soin de choisir tes mots, de ne pas trop appuyer surtout. Je souris encore, mais un bouton de chrysanthème m'était resté dans la main. Elle avait son bonnet de nuit et un mantelet de piqué. J'ouvris tout doucement la porte. Ce fut ma première faute. Dès en entrant, je vis ses yeux posés sur moi, mais elle ne m'interrogea point. Bien sûr qu'elle attendait que je parlasse le premier, comme c'était mon devoir. Pourtant, je ne dis rien. Ce fut là ma seconde faute. Je lui avais tourné le dos, ayant pris pour prétexte le grand désordre de la table. Ce ne fut qu'un bon moment après, comme je rassemblais les assiettes du déjeuner, que la parole me revint. « Alors, comment te sens-tu ? » « Très bien. Si je pouvais seulement me lever. » « Le médecin ne l'a pas permis. Il prétend qu'il faut encore des précautions. » Il y eut un petit silence. « Il ne t'a pas dit quand je pourrais me lever ?»« Non, mais bien sûr que ça ne tardera pas. C'est un bobo qui passera vite. Ça te fera du bien d'être au lit quelques jours. Voilà, tu es trop courageuse. Il est bon que tu sois quelquefois obligée à faire ce que tu ne ferais pas sans cela. » Et puis, tu as choisi le bon moment, les chemins sont mauvais. Tu t'es dit, on va prendre des vacances. Tu es plus fine que je n'aurais cru. Je continuais ainsi à plaisanter, mais je m'étonnais de ma voix, tellement elle sonnait faux, et au lieu de le dissiper, elle agrandissait le silence. Il y eut un essai encore que je fis, puis plus rien ne voulut sortir, et je demeurai là, quoique depuis longtemps la table fût débarrassée. Louise n'avait pas répondu. On entendit passer le vent qui faisait s'entrechoquer les branches du prunier, déjà dépouillées de ses feuilles, et le seul bruit qui vint ensuite fut une petite toux qu'elle eut. Je me dis, je m'en vais descendre les assiettes. Ce sera toujours autant de fait. Mais sa voix alors m'arriva. « Samuel, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Viens vers moi. » Je m'approchai du lit sans la regarder. « Samuel, ne cherche pas à me tromper. Je sais bien que tu m'en vois-tu. » Je commençais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cherchant à me donner le ton de la surprise, mais la voix me manqua tout à coup, elle me dit « Tu vois ?» Elle reprit. « Je n'avais pas besoin de médecin pour tout savoir. Alors il est inutile que tu te donnes de la peine pour me le cacher. Le mieux est de parler franchement de ces choses, pendant qu'il en est encore temps. » Mais à elle aussi la voix lui mourut. Sa voix se fondit peu à peu comme une bougie à la flamme. Et, comme je sentais les larmes me venir aux yeux, je me mis à les fermer. « Samuel !» Est-ce qu'elle allait pleurer, elle aussi ? Mais elle toussa de nouveau. Elle dit « Prends une chaise. » Je disais « Le médecin dit que tu dois éviter les émotions. Tu entends bien que tu tousses. »« Samuel, prends une chaise. Viens te mettre tout près de moi. Comme ça, on pourra causer. Il faut qu'on cause, Samuel. » Je disais « Pourquoi, mon Dieu, à quoi ça sert ?»« Si, disait-elle. Moi, vois-tu, je ne compte pas. » C'est à toi que je pense, et aussi aux petits. Qu'est-ce que vous allez faire quand je ne serai plus là ? Cette fois, elle n'était plus assez forte. Ses larmes, longtemps contenues, comme quand un tuyau éclate, jaillirent toutes à la fois. Elle ne put que lever sa main et les serrer contre ses yeux. Moi, j'avais relevé les miens, je les tenais posés sur elle. Les larmes à moi aussi m'étaient venues. Je les sentais couler, une à une, sur mon menton. Louise. « Louise, s'il te plaît. » Mais elle s'obstinait à sa même pensée. « Qu'allez-vous faire, rien que les deux ? Tu vas avoir toute la peine. Et qu'est-ce qu'il deviendra, le petit, sans moi ?» Elle hésita, puis il y eut encore ceci qu'elle ne pouvait pas ne pas dire. « Si seulement vous vous entendiez, mais vous ne vous entendez pas. »« Louise, me criai-je, s'il te plaît, tu me fais trop de peine. » Alors elle se tut et elle me regarda. Elle parut étonnée de me voir si près d'elle. Elle me tendit les bras, elle me prit par le cou. Elle s'accrochait à moi comme on s'accroche à une branche d'arbre quand on sent qu'on va se noyer. Et me sentant quand même résistant, un court instant, elle parut tranquillisée. Mais déjà, tout au fond d'elle, l'amère pensée revenait, contre laquelle je me trouvais sans armes, malgré ma bonne volonté. Ce fut cela qui la rongea plus encore que sa maladie. Pourtant, après 8 jours de lit, elle parut aller mieux. Entre ses heures d'école, Henri ne la quittait pas. Dès qu'il s'en allait, je le remplaçais. Nous étions toujours l'un ou l'autre près d'elle. Madame Amaudru, dès le premier jour, était survenue. Les soins ne lui manquèrent pas, ni même les gâteries. Tout le monde l'aimait et tenait à le lui montrer. Il n'avait plus été question de rien entre nous. Peut-être qu'elle avait compris que j'avais besoin de mes forces. Elle était très douce. Très patiente, très obéissante, docile en tout et aux remèdes, car il y en avait beaucoup. Le docteur voulait qu'elle mangeât, elle se forçait à être gaie, et nous autres, autour d'elle, nous nous appliquions à ne lui montrer que des figures de bonne humeur. C'est le mensonge qui durait. Un instant, il avait été écarté, mais il revenait comme de lui-même. On eût dit qu'elle aussi en avait compris la nécessité. Il n'y avait que Madame Amaudru, dont l'entrain fut sincère parce qu'il résultait de son tempérament. Sitôt qu'elle avait mis en ordre son propre ménage, elle accourait. Sa bonne figure rouge semblait faire de la lumière en entrant. Son rire s'entendait de très loin. Toujours en mouvement, rien ne lui échappait. Et pour peu qu'elle eût surpris chez l'un de nous un peu de lassitude, « Voyons, s'écriait-elle, pourquoi se faire du souci ? Est-ce que ça vous sert à quelque chose ?» Évidemment, non. Elle triomphait. « Eh bien alors, pourquoi est-ce que vous faites la mine ? Secouez-vous, je vous dis !» Et la voilà qui soulevait Louise dans ses gros bras nus, tapotait les oreillers, lissait les draps, retendait les couvertures. En un rien de temps, tout était en ordre dans la chambre. Je ne peux pas assez la remercier ici du secours qu'elle nous a porté, quand même elle détruisait un peu ce que j'aurais voulu de calme autour du lit de la malade. Mais sans doute ne jugeait-elle pas exactement de la gravité du cas. Il n'y avait qu'à moi que le médecin en eût parlé. Henri non plus ne savait rien. Il voyait que sa mère avait bonne mine. Elle était maintenant toute rose. Il disait « Maman, je ne t'ai jamais trouvée si bien. » Le médecin, d'ailleurs, lui aussi était content. Il ne s'attendait pas, me disait-il, à voir Louise remonter si vite, tellement que je me remis à espérer. C'est ici une nouvelle vicissitude que je marque. Vers le milieu de novembre, j'en étais venu à me dire que j'avais vu les choses trop en noir. Encore quelques jours, et elle commença de se lever. La seule chose que j'avais exigée d'elle, c'était qu'elle ne bougeât pas d'un fauteuil que je lui avais installé près de la fenêtre, et d'où elle pouvait voir tout le lac. De temps en temps seulement, la prenant par le bras, je lui faisais faire le tour du jardin. Madame Amaudru nous avait procuré une petite bonne qu'elle dressait elle-même. Tout allait bien dans la maison. Moi, j'avais repris mon travail. Il fit doux, tout à coup, après des pluies. Un vrai été de la Saint-Martin. Un jour, elle me dit « Écoute, Samuel, j'ai une envie. Je voudrais aller encore une fois à l'église où nous nous sommes mariés. Il faut profiter, pendant qu'il en est temps encore. » Je crus qu'elle entendait par là l'hiver qui allait venir. Je lui demandais seulement « Te sens-tu assez forte ?»« Oh oui, » me dit-elle, « et puis ça me ferait tant plaisir. » Je pris l'avis du médecin, qui n'y vit pas d'inconvénient, à condition qu'elle ne se fatiguât pas. Nous partîmes un dimanche matin. Il continuait à faire beau, avec partout des mouches se chauffant au soleil, qui s'envolaient quand nous passions. Je la tenais par-dessous les épaules, de façon que ses pieds n'appuyassent pas trop. Et réglant mon pas sur le sien, mais la retenant chaque fois qu'elle cherchait à presser l'allure, tout doucement nous avancions. L'air lui faisait du bien, disait-elle. Bientôt les cloches se mirent à sonner, et leur harmonie nous venait à travers l'air poudreux, comme pour nous donner courage. Ce ne fut d'abord que la plus petite des cloches, avec une voix claire d'enfant. Mais une deuxième déjà la suivait, une troisième fut décrochée, et tout à coup on entendit venir les notes sourdes du bourdon. À coups espacés, d'en dessous, ils heurtaient l'air qui l'ébranlait comme une pioche dans un mur. Nous venions d'en haut, et ainsi l'église se dressait un peu au-dessous de nous. On n'avait pas besoin de passer par la ville. On voyait le clocher pointu et ses quatre tourelles d'angle se découper en noir sur le lac, un peu gris. L'horloge marquait 10h moins un quart. On quitta le chemin par un étroit sentier qui serpentait entre deux haies. On commençait à rencontrer des gens. Des dames à capotes et à mantelets noirs portaient leurs psautiers appuyés contre elles et marchaient à petits pas. Puis il y eut la grande voûte sombre, d'où quelque chose de mouillé se détachait dès qu'on entrait et vous tombait sur les épaules. Par bonheur, j'avais pris un châle, j'en enveloppai soigneusement Louise, et nous allâmes nous asseoir un peu en deçà de la chaire, au bout d'un banc. On nous regardait, c'est que beaucoup de monde nous connaissait de vue, et on savait que Louise était malade. Elle en fut tout intimidée, elle baissa la tête et ne la releva plus. Le pasteur fit un sermon sur une des béatitudes. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'était un tout jeune homme, venu je ne sais d'où, sans doute quelque suffragant qui remplaçait ce jour-là le pasteur de la paroisse. Il était maigre, pâle, la barbe noire et rare, des bras longs, des yeux enfoncés. Il nous expliqua que les pauvres en esprit ne sont pas seulement ceux qui sont privés d'intelligence, mais encore ceux-là qui, détachés du monde et des choses de la raison, ont mis leur confiance en Dieu. Il nous parla des séparations cruelles auxquelles nous sommes tous exposés. Il disait « Mettez vos attachements plus haut, rejetez loin de vous ce qui est périssable, défaites-vous des liens de la chair, car la feuille sèche et est emportée, l'herbe n'a pas verdi qu'on la fauche déjà. » Jusqu'alors, il avait parlé tranquillement, mais soudain il haussa la voix, et comme emporté par la colère, il se mit à nous reprocher violemment notre complaisance aux choses d'ici-bas. « Prenez garde, s'écriait-il, l'éternité vous guette. Hâtez-vous de vous repentir. » Il nous représenta l'enfer avec ses flammes. Beaucoup de femmes pleuraient, il ne semblait pas le voir. Puis voilà qu'aussi brusquement qu'elle s'était élevée, sa voix se brisa, s'amollit, il se tut avec un soupir, et il commença à prier. Longuement, il intercéda auprès de Dieu, afin, disait-il, qu'il nous éclairât sur nous-mêmes, et que finalement, il nous fût donné de le voir. Un grand silence avait suivi, où tomba un dernier cantique. Maintenant, les gens se levaient. Moi, je n'aurais suivi que mon idée, il y avait beau temps que je serais parti. Mais, comme je n'étais pas seul, je fus forcé d'attendre que l'assistance eût commencé à s'écouler. Alors seulement, je me tournai vers Louise. Je vis qu'elle n'avait pas bougé. Je lui dis « Viens-tu, Louise ?» Elle ne parut pas m'entendre, et comme je lui posais la main sur l'épaule, elle tressaillit. « Ah, c'est vrai !» me dit-elle, comme si elle sortait d'un rêve. Je l'aidai à se lever. Nous nous dirigeâmes ensemble du côté du porche. Il se marquait en clair au-dessus de la galerie. Un joli jour bougeait dans son ouverture ronde. Il me semblait rentrer peu à peu dans la vie. Et voilà soudain la vive lumière de dehors nous enveloppa. Il faisait obscur, il fit clair, il faisait froid, il fit de nouveau chaud. Des cris d'oiseaux nous arrivaient, et, au-dessous de nous, se découvrit le lac, tout ridé de petites vagues, comme la peau d'une pomme d'hiver. J'étais pressé de rentrer, j'avais besoin de mouvement, et je tournais déjà à droite pour prendre le petit chemin par où nous étions venus, quand Louise me retint. Elle me dit qu'elle aimerait faire le tour du cimetière. Je n'osais pas le lui refuser. On n'eut qu'à pousser la grille. D'un côté, des colonnes de marbre, un peu noircies, se dressaient entre les ifs. De l'autre, il y avait un espace d'herbe, où se trouvaient les tombes nouvellement creusées. Au milieu s'enfonçait l'allée, bordée de platanes d'un jaune de miel. « C'est dans le fond, » me dit-elle. « Qu'entendait-elle par là ?» Pourtant, je la suivis d'abord docilement, et puis brusquement je m'arrête. « Est-ce bien prudent ce que nous faisons ? Il aurait mieux valu rentrer. » Elle me dit, « C'est que c'est pour ça surtout que je suis venue. » Alors je devinais, mais il n'était plus temps. Elle avait pris à gauche entre les tombes, et bientôt nous nous trouvâmes devant l'une d'elles, qui était toute couverte de pervenches, avec une simple croix de pierre sur un socle qui penchait. Je lus le nom. C'était le sien. « Il faut que tu me pardonnes, » me dit-elle, « de ne pas t'avoir prévenu plus tôt, mais je voulais le revoir. » Moi, je relisais le nom, Siméon Chablot. « Il y a bien longtemps que je n'étais pas revenu, » reprit-elle. « C'est une visite que je lui devais. Il va y avoir 13 ans. » En même temps, elle avait retiré son bras de dessous le mien, et ayant fait un pas ou deux, elle se tenait en avant de moi. Elle se pencha un petit peu, elle se taisait. Je regardais les feuilles des pervenches, elles se touchaient toutes en se contrariant. Noires par places, elles luisaient à d'autres et étaient toutes bleues à d'autres, à cause du ciel qui s'y reflétait. Elle joignit les mains, elle se pencha davantage. Il me semblait que j'étais oubliée. Et tout à coup une terrible idée me traversa l'esprit, car jusqu'où ne va pas notre folie quand nous souffrons dans notre cœur ? J'eus l'impression tout à coup qu'elle ne m'avait jamais aimé. Pourtant, je fis en sorte de ne pas l'interrompre, et j'attendis patiemment qu'elle eût fini sa prière, à supposer qu'elle eût vraiment prié. Elle prit les devants sans paraître me voir, je la suivais. Ce ne fut qu'une fois parvenue à l'allée qu'elle s'arrêta et que je la rejoignis. Mais elle me sembla alors si misérable qu'il ne me resta plus que de la pitié. Elle avait repris mon bras, elle me demanda « Est-ce qu'on ne pourrait pas s'asseoir un moment ?» Il y avait des bancs de pierre tout moussus et à dossier bas. Nous nous assîmes sur le plus rapproché. Nous nous y installâmes l'un à côté de l'autre. Pendant tout un grand moment encore, nous restâmes sans parler. Mais tout à coup, elle secoua la tête et se tournant à demi vers moi. « Tu as entendu, Samuel ?» Comme je l'interrogeais du regard, ce qu'il a dit le pasteur. « Il a raison, vois-tu. Nous nous étions trop attachés l'un à l'autre. C'est pourquoi nous sommes punis. » Je me le disais bien quelquefois, mais de nouveau, je me laissais entraîner aux choses, et elles sont fragiles, les choses. Nous ne sommes rien, Samuel. Je ne pensais pas comme elle, je ne compris pas moins qu'il était inutile de la contrarier. Je ne tentais même pas de la faire taire, quand même chacune de ses paroles me déchirait cruellement le cœur. Elle continua. « Te souviens-tu de notre mariage ? Il faisait beau comme aujourd'hui, on faisait des projets, tu me donnais le bras. Pourtant, ces 10 années, vois-tu, maintenant qu'elles sont passées, c'est comme si elles n'avaient pas existé. Nous avons pensé à tout, sauf à la seule chose réelle. Oui, la seule chose réelle. Et pourtant, nous n'avons pas eu à nous plaindre. Ce n'est pas la faute des choses, c'est notre faute à nous. » Elle se reprit. « Ma faute à moi, parce que j'aurais dû mieux voir. Écoute, Samuel. » Sa voix baissait de plus en plus. « J'ai une demande à te faire. Tous mes souvenirs sont ici. Je voudrais bien qu'on m'y enterre. » Je l'avais prise par le bras. « S'il te plaît, Louise, pour l'amour de moi. » Mais, doucement têtu, « Il le faut, vois-tu, Samuel. et c'est une prière que je t'adresse la dernière. Il y a encore de la place, j'ai vu. Je serai tout près du porche. Tu te souviens, il faisait beau, et nous nous sommes arrêtés, parce que nous étions un peu éblouis. J'aurais voulu pouvoir lui poser la main sur la bouche, mais une espèce de respect m'en empêcha. Pour la première fois, je me sentais dominé par elle. C'était comme si elle avait soudainement grandi. Je me contentais de hocher la tête en signe de consentement. Alors elle ne dit plus rien. Comme nous restions immobiles, toutes sortes de petits oiseaux se laissaient tomber familièrement autour de nous, du haut des branches. Ils se présentaient de face ou de profil. Les lignes sur le ciel tremblaient comme en été. Entre les feuilles mortes, le gazon repoussait. Un petit rosier avait reverdi, et une odeur chaude de terre et d'herbe montait de partout, qui faisait tousser. On avait beau faire, on ne pouvait pas ne pas voir. On ne pouvait pas ne pas lever les yeux sur les choses, parce qu'elles étaient trop belles, et de l'une à l'autre, de plus en plus loin, ils étaient entraînés. Pour moi, les miens avaient déjà quitté les tombes. Après les tombes, ce fut la ville, couchée au pied de la colline. Ils y glissèrent, vint le lac, et malgré moi, j'ouvrais la bouche, comme si l'air m'eût manqué jusqu'alors. Louise regardait toujours à terre devant elle. Mais, à un mouvement que je fis, elle releva, elle aussi, les yeux, et les choses, à elle aussi, lui réapparurent. Alors elle eut un grand soupir, elle leva ses mains, elle les laissa retomber. Un combat se livrait en elle, puis de nouveau ses forces l'abandonnèrent. Je la sentis céder et tout son corps pliant. Sa tête pencha de côté comme si elle eût pesé d'un poids trop lourd pour son pauvre cou maigre. Je la reçus au creux de mon épaule. Un pinson trompé par le soleil chantait comme au premier printemps. Le retour fut difficile. À la tombée de la nuit, une grosse fièvre la prit. Vers les 10 heures, elle eut un nouveau vomissement de sang. Aussitôt après, la fièvre tomba, mais des sueurs froides survinrent, et tout le lit en fut trempé. Je m'étais installé près d'elle, elle ne faisait pas attention à moi. Par moments, un gémissement lui échappait, je me levais, « Louise, Louise !» Elle ne me regardait même pas. « Louise, dis-moi, où as-tu mal ?» Aucune réponse ne venait, rien que ces gémissements, et de temps en temps un mot indistinct. Le plus cruel était mon impuissance. Je m'étais accoudé, la tête dans mes mains, je me répétais, il n'y a rien à faire. De temps en temps, très loin, une horloge sonnait. Les coups m'en venaient, espacés, je les comptais, ils n'en finissaient plus. Lorsque ce fut minuit, le vent se leva. Longtemps, je l'entendis souffler. Il me semblait qu'on devait être au matin, quand j'entendis sonner 1 heure. Peu à peu, pourtant, elle se calmait, peu à peu, ses yeux se fermèrent. Sa respiration devint plus unie et plus régulière. Finalement, elle s'endormit. Moi, je m'assoupis sur ma chaise. Ce fut là que le petit jour me surprit. Elle dormait toujours, j'en fus tout heureux. Elle ne s'éveilla qu'au moment où Henri allait partir pour l'école. Presque aussitôt après, il heurta comme il faisait chaque matin. Elle s'était mise à lui sourire, et je fus étonné de son air reposé. Elle lui tendit sa joue comme à l'ordinaire. « As-tu bien dormi ?»« Oui, maman. Tu vois, je fais la paresseuse. Quelle leçon as-tu ce matin ?»« J'ai la géographie, l'arithmétique, la grammaire et l'allemand. Tu tâcheras d'être bien sage. » Il descendit en courant l'escalier. Elle se tourna vers moi et me dit « Surtout qu'il ne se doute de rien. » Le mieux s'accentua. Vers la fin de novembre, elle put de nouveau se lever chaque jour. La neige était venue, puis un grand soleil sur la neige. Il faisait gai dans la maison. Le poêle bien bourré ronflait, avec un joli bruit qui tenait compagnie. Il y avait dans une jardinière des pots de tulipes, et leurs gros épis tout gonflés de fleurs n'allaient pas tarder à s'ouvrir. Au nouvel an, nous eûmes une petite fête. Henri reçut une boîte d'outils. Mais janvier ramena le brouillard. Il fit un temps mou, humide, moisi. Elle s'en ressentit aussitôt. Elle ne pouvait pas rester couchée, ayant trop de peine à respirer. Assise, elle se fatiguait vite. La faiblesse augmenta, elle se mit à tousser plus souvent. Elle n'avait plus aucun appétit. Elle maigrissait tellement qu'il semblait qu'on voyait le jour à travers les ailes de son nez. Jamais je n'aurais cru qu'on pût avoir tant d'eau dans le corps. Dessus ses mains, quand elle les étendait, il y avait deux profondes rigoles. Ses poignets étaient parfaitement carrés et durs sous les doigts, comme des cailloux. C'était moi qui le plus souvent la levais et la recouchais. J'étais épouvanté quand je sentais ses côtes sous ma main. Je détournais les yeux pour ne pas voir ses pauvres jambes inertes, plus larges aux genoux qu'aux mollets. Aux genoux, il y avait comme une boule. Mais ensuite, elles allaient tout le temps se rétrécissant jusqu'à la cheville, de nouveau renflée, et ses pieds semblaient deux fois plus longs qu'autrefois. Sa mâchoire avait avancé. Deux gros creux s'ouvraient à ses tempes. Une peau sèche et jaune était tendue dessus. La seule chose qui annonça encore la vie sur son visage, c'étaient les deux taches roses qu'elle continuait à avoir sur les pommettes, mais je savais à présent ce que cela signifiait. Et de loin, cela lui donnait un air de santé, mais de près, cela semblait de rondes fats peints par dérision sur les côtés de sa figure. J'aurais voulu mouiller mon mouchoir et frotter pour les effacer. Pourtant, elle ne songeait toujours pas à elle. Le seul souci qu'elle eut était de ne pas m'inquiéter. Elle se forçait devant nous à un air tranquille. Elle l'avait, cet air tranquille, comme un masque sur la figure, même dans les pires moments, étouffant ses accès de toux, se tournant du côté du mur quand elle se sentait trop pâle, allant jusqu'à continuer chaque soir de faire réciter ses leçons au petit. Elle lui disait « Mon pauvre ami, tu as une drôle de maman, mais il faut lui pardonner parce qu'elle est fatiguée. » Je me demandais parfois si vraiment il ne se doutait de rien. Certains de ses regards m'étonnaient. Elle fut courageuse jusqu'au dernier moment. Vers le commencement de février, elle ne put plus prendre que du lait, encore n'était-ce que de temps en temps une gorgée, et coupée d'eau ou d'une cuillère de cognac. Je me demande comment elle a pu tenir si longtemps, car l'estomac, à son tour, s'était pris. Il y a que les organes sont dépendants les uns des autres, et quand l'un d'eux commence à ne plus obéir, le reste suit fatalement. C'est aussi le sang qui devient pauvre et rare. C'est la volonté qui s'en va. C'est le goût de la vie qui s'en va. Le 18, elle me demanda d'aller chercher le pasteur. Il vint, il revint quelques jours plus tard. Il avait sa Bible et un livre. Le 25, elle me dit, « Mon pauvre ami, je ne vais plus t'embarrasser longtemps. Tu ne dors plus, tu te fatigues. Ce que le bon Dieu fait est bien fait. » Elle était étrangement résignée ce jour-là. « Vois-tu, nous nous retrouverons. Nous finirons par être réunis quand même, et cette fois ce sera pour toujours. » Elle me recommanda seulement encore une fois le petit, et moi serrant ses mains, « Mais tu sais bien que c'est promis, ma chérie. » « Alors, dit-elle, tout est bien. » Elle parut vouloir dormir, je continuais de tenir sa main, elle restait très calme, mais désespérément je sentais sous mon doigt son pauvre petit pouls s'amincir toujours plus. Au commencement de mars, il y eut de nouveau un mieux, mais il ne dura pas. Il faut que j'aille vite. Ce fut un petit mieux de 2 ou 3 jours qui me trompa, et puis je vis que je m'étais trompé. Les grands étouffements revinrent. Comme du bois vert dans le feu, son corps pliait et se tordait dans les efforts qu'elle faisait pour retrouver son souffle. Une telle faiblesse la prenait ensuite que durant de longues heures, elle restait sans mouvement, à peine si sa poitrine se soulevait encore. On l'aurait crue morte déjà. Le dernier matin, elle fit venir le petit Henri, elle l'embrassa, il s'en allait déjà quand elle le rappela. Elle l'embrassa de nouveau. Une troisième fois, il voulut s'en aller. Elle ne pouvait plus se séparer de lui. Elle me fit signe, il fallut que je le lui ramenasse. Et elle lui tâtait du bout des doigts le visage, comme pour s'assurer que c'était bien lui. Il prit peur. Je cherchais à l'écarter, car le moment était venu où il devait partir pour l'école. Mais est-ce qu'il avait enfin compris? Il s'obstinait à ne point bouger. Et les mains le cherchaient, et les mains le cherchaient de nouveau. Il s'approcha plus encore, les mains le prirent aux épaules, les mains le prenaient, les mains l'attiraient. « Louise, » dis-je alors en me penchant vers elle, « Louise !» Elle l'avait lâché. Je vis son regard s'ouvrir sous le mien comme une sorte de trou noir. Et enfin sa voix vint qui dit « Henri, il te faut seulement aller. » La phrase fut coupée par une espèce de sanglot, puis tout se tut, et le petit la regardait. Il recrocha son sac d'école sur son dos. Il dit sa phrase de toujours. « Adieu, maman !» Il se dirigea vers la porte. Quand il y fut parvenu, il se retourna de nouveau. Il était 8 heures. La petite bonne balayait le corridor. On entendait la brosse aller et venir, heurtant la paroi, comme chaque matin on faisait le ménage. Un brouillard gris traînait entre les arbres du verger. Elle jeta les bras en avant, elle les arrondit devant elle comme pour serrer quelque chose. Elle secoua la tête à 2 ou 3 reprises. Je vis une larme couler sur sa joue. Je m'étais mis à genoux, je bus cette larme. Je sentis sous ma lèvre une peau sèche et chaude, comme le sable au bord du lac. Sa bouche avait une drôle de couleur bleue. Ses yeux alors se mirent à devenir tout blancs. Ils se renversaient. Puis la pupille en reparut, mais elle n'était plus luisante. Il y avait dessus comme une mince peau. Elle tira un peu à elle le drap du lit. Je crus qu'elle avait froid. Je dis « Est-ce que tu as froid, Louise ?» Elle n'entendit plus, et de nouveau, elle tira sur le drap. Comme nous revenions 2 jours après du cimetière, je donnai la main à Henri. Il n'avait rien dit pendant le culte, et rien durant tout le trajet. Il n'avait même pas pleuré. Comme nous revenions, et lentement nous remontions la côte, seul maintenant, seul pour toujours, brusquement, il me demanda « Est-ce que maman est au ciel ?» Je mis du temps à lui répondre. « Oui, dis-je enfin, elle est au ciel. Si je mourais, est-ce que j'irais, moi aussi, au ciel ?» La voix me manqua de nouveau. Je ne pus que hocher la tête. « Alors je la retrouverai. »« Oui, si tu es bien sage. »« Alors, dit-il, je veux être bien sage. » Sagement, en effet, il avait réglé son pas sur le mien sans se faire prier. Malgré la fatigue où il devait être, car moi, je ne tenais plus debout.